Wish City, le Grand Palais, le concert de Maniki Maniki. Par la mer La Roche, c'est si phénoménalement, exceptionnellement de la musique, n'est-ce pas? Oui, de la musique. Dirigeant. Oui, ministre, qu'est-ce qu'il y a? Depuis chez vous, je trouve assez déplaisant que quelqu'un parle durant un concert. C'est que nous venons de recevoir ceci du centre de surveillance militaire. Un bout de papier? Mais foutre-terre, pourquoi nous enverrait-il un bout de papier? Non, mais il y a quelque chose d'écrit dessus, grand dirigeant. C'est une blague? Si c'est une blague... Ce n'est pas une blague. Mais qui a-t-il? Rosencraft! Les rats, ils attaquent! Et ma fille? Où est ma fille? Ne craignez rien, grand dirigeant, ne craignez rien. Occupez-vous des affaires de Wish City. Organisez la défense de la cité. Je vais chercher votre fille. Je la ramènerai vivante, je vous le promets. Nous pouvons repousser les rats, n'est-ce pas? Nous ne les avons pas sous-estimés, non? Et le concert? Je n'ai même pas le temps de voir la fin. Oh non, ce n'est pas possible. Ils n'ont pas pu attaquer tout l'Ouest et annihiler la moitié de mon armée. Ce n'est tout simplement scientifiquement pas possible. Rosencraft, vous n'allez pas bien? Rien. J'ai juste mon bras qui me lance. Je vais chercher votre fille. Les rats portent en eux le germe. Ils n'en sont pas réellement atteints. Mais quiconque est mordu devient porteur de la maladie. Elle évolue, grandit, pour atteindre son stade final et là... Là, elle peut se propager par l'air, le toucher ou n'importe quoi d'autre. Une fois dans le corps de quelqu'un, le germe grandit pour finalement arriver à un stade où on ne peut plus l'arrêter. Et vous allez trouver ça drôle, mais tout le monde meurt dans les 2 semaines. Dans les tunnels, non loin de Wish City. Vas-y, Mila! Mila a allumé la mèche et lancé le bâton de dynamite contre une des parois. Tout s'est effondré, empêchant les rats qui nous poursuivaient d'emprunter un des autres tunnels. Et comme ils n'avaient pas pris l'autre tunnel, ils couraient toujours derrière nous, leurs pattes griffues claquant contre le sol, leurs grognements résonnant dans nos têtes comme autant d'alarmes assourdissantes, et avec eux traînait la mort. Par là, prends ce tunnel-là! T'es sûr? Fais-moi confiance. Je fais que ça depuis le début, j'ai pas l'impression que ça me réussit vu le nombre de rats derrière nous. Mais ce chariot avance pas. Ah bah oui, bien sûr, c'est la raison. Le chariot roulait parfaitement et si rapidement d'ailleurs que dans les virages, il penchait, provoquant des étincelles. J'ai bifurqué dans le trou de tunnel une fois l'échangeur passé. Nous avons continué notre folle course quelques mètres, prenant de l'avance sur les rats. Tu ralentis? Mais pourquoi tu ralentis? Parce que... Nous sommes arrivés dans un immense carrefour d'où naissaient 5 tunnels. Dans chacun d'eux, des couleurs vives, bleues ou rouges, dansaient en profondeur. Pourquoi tu t'arrêtes? T'arrêtes pas? Ils sont encore derrière nous! Si tu m'as accompagné pour être hystérique, je tiens juste à te signaler que ça ne m'aide pas du tout. C'est le point de rendez-vous avec Booze. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ils arrivent, je les entends! Allez, Booze, dépêche-toi, allez, vieux quoi, tu sais conduire un chariot comme nous. Et s'il était... Non, il est pas, il est rien du tout! Je regardais de droite à gauche, toutes les entrées de tunnels. Rien. Il n'y avait rien. Et dans l'un d'eux, pourtant, comme dansant près des rails, une ombre. J'arrive! J'arrive! Attendez-moi! Booze arrivait en courant. Ah ben, s'il est quelque chose, il est essoufflé. Booze, mais ton chariot? Il y a un rat qui me l'a bouffé! Squeak, ils arrivent! Il ne nous reste plus que quelques tunnels à boucher. Monte, Booze, on n'a pas le temps de discuter, tu nous raconteras après! Booze a sauté dans le wagon, j'ai poussé le levier aussitôt et derrière nous... Des centaines de rats galopaient dans les tunnels. Ratis, on a retrouvé une partie de la horde, mais... Ouais, Wish City. Ouais, Wish City. Oh, t'es l'air pas vieux. Personne ne sait. Quoi, met-on si longtemps à arriver à cette putain de ville? Pourquoi? Il paraît qu'ils ont bouché plein de tunnels. Bon, où on va maintenant? Fais passer le mot à la horde. On suit les tunnels. Si les baïfouiches ont un piège pour nous, fonçons dedans tête baissée. Le nombre. Nous avons le nombre et la puissance. Comme dans toute guerre, il faut savoir accepter les pertes. Tu penses à quelque chose, là, non? Le gnome que j'ai laissé partir. Il se souvient comment il était? Bah, un peu, oui. Alors, si tu l'as devant toi, ne le bouffe pas. Il est à moi.